ma chérie Coco. Écoute ce message, j'écoute plus mes photos. Écoute ce message, mais l'espoir fait vivre. Moi je veux ton cœur, le temps passe si vite. Je te tends ma main quand j'entends ta voix. Mes larmes coulent à flot et je me dis que qui a fait la faute, puis je te kiffe encore. Réponds, je t'appelle, mes sentiments s'éteignent. N'écoute pas les gens, Mito, Mito. Je ne peux plus te voir, Mito, Mito. Je ne suis plus déter, Mito, Mito. N'écoute pas les gens, Mito, Mito. Donc je recule, recule. Mon cœur s'est vite, s'est vide. C'est pas facile, facile. Mon cœur s'est vide. Donc je recule, recule. Mon cœur s'est vite, s'est vide. C'est pas facile, facile. Mon cœur s'est vide. C'est mon seul métier. Bébé, c'est moi des temps. C'est pas difficile. S'il te plaît, laisse-moi le temps. C'est mon seul métier. Bébé, c'est moi des temps. C'est mon seul métier. Quand j'ai lu ton message, c'est vrai, j'avais mal, mais bon, faut s'y faire. Je ne veux pas souffrir, donc là c'est fini. En te connaissant, pour toi j'ai tout quitté. Sois reconnaissant, ah bébé Nangaï. C'est toi qui as la médaille. Le mille est joli dans les mains, mais l'argent ne fait pas le bonheur. La tasse en ma tête. La tasse en ma tête.